France Culture et le Théâtre de la Ville présentent Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès, enregistré en public le vendredi 30 octobre 2009 au Théâtre de la Ville à Paris. Lecture dirigée et réalisée pour la radio par Georges Lavaudan avec la complicité de Blandine Masson. Avec Éric Elmosnino, Roberto Zucco, Sarah Forestier, la gamine, Marie-Lou Marini, la mère de Zucco et la patronne, Astrid Bas, la sœur de la gamine, Pascal Rénéric, le frère de la gamine, Alain Rimoux, le père, Danny Cogan, la mère, Nicole Garcia, la dame élégante, Roland Bertin, le vieux monsieur, André Marcon, le deuxième gardien, le Mac, l'inspecteur mélancolique, Irina Dahl, la pute affolée, Marc Bodnard, le balèze, le commissaire, Babacar Fall, un inspecteur, le deuxième policier, Frédéric Bory, le premier policier, le premier gardien, Manuel Lelièvre, l'enfant. Les bruitages sont réalisés en public par Sophie Bissens et les didascalies sont lues par Georges Lavaudan. Scène 1. L'évasion. Le chemin de ronde d'une prison aura des toits. Les toits de la prison jusqu'à leur sommet. À l'heure où les gardiens, à force de silence et fatigués de fixer l'obscurité, sont parfois victimes d'hallucinations. Tu as entendu quelque chose ? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose, toi ? Non. Mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu ? Je n'ai pas entendu par les oreilles. Mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée, sans les oreilles. Toi, tu n'as jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile, complètement. Les fusils, les sirènes muettes, nos yeux ouverts, alors qu'à 7 heures tout le monde a les yeux fermés. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à ne guetter rien, alors qu'à 7 heures nos oreilles devraient écouter le bruit de notre univers intérieur et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur ? Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là pour empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici. C'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit comme un rat. S'il passait les grandes grilles, il y en a après de plus fines, comme des passoires, et de plus fines ensuite, comme un tamis. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer à travers. Et une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé, ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler ? L'idée d'abord et passer à l'action ensuite. Pur vice. Moi, qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant où pouvait se trouver ce qui les différenciait de moi, gardien de prison, incapable de poignarder ni d'étrangler, incapable même d'en avoir l'idée. J'ai réfléchi, j'ai cherché, je les ai même regardés sous la douche, parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Eh bien, aucun point commun entre eux. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des minces, il y en a des tout petits, Il y en a des ronds, il y en a des pointus, il y en a des énormes. Il n'y a rien à tirer de cela. Pur vice, je te dis. Apparaît Zuko, marchant sur le faîte du toit. Tu ne vois pas quelque chose ? Non, rien du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Je vois un type marchant sur le toit. Ce doit être un effet de notre manque de sommeil. Qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit ? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zuko, celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Roberto Zuko, jamais entendu parler. Mais tu vois quelque chose là, où je suis seul à voir. Zuko avance toujours, tranquillement, sur le faîte du toit. J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Zuko commence à disparaître derrière une cheminée. C'est un prisonnier qui s'évade. Zuko a disparu. Putain, tu as raison. C'est une évasion. Coup de feu, projecteur, sirène. Scène 2. Meurtre de la mère. La mère de Zuko, en tenue de nuit, devant la porte fermée. Roberto, j'ai la main sur le téléphone, je décroche et j'appelle la police. Ouvre-moi. Jamais. Si je donne un coup dans la porte, elle tombe, tu le sais bien, ne fais pas l'idiote. Eh bien, fais-le donc, malade, cinglé, fais-le. Et tu réveilleras les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison, car s'ils te voient, ils te lyncheront. On n'admet pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens dans ce quartier te regarderont de travers. Zuko cogne contre la porte. Comment t'es-tu échappé ? Quelle espèce de prison est-ce là ? On ne me gardera jamais plus de quelques heures en prison. Jamais. Ouvre donc. Tu ferais perdre patience à une limace. Ouvre ou je démolis la baraque. Qu'es-tu venu faire ici ? D'où te vient ce besoin de revenir ? Moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Tu n'es plus mon fils, c'est fini. Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde. Zuko défonce la porte. Roberto, n'approche pas de moi. Je suis venu chercher mon treillis. Ton quoi ? Mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Cette saloperie d'habits militaires. Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habits militaires ? Oh, tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle. Bouge-toi. Dépêche-toi, ramène-le-moi tout de suite. Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les habits que tu veux. Je ne veux pas d'argent. C'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais appeler le voisin. Je veux mon treillis. N'écris pas, Roberto. N'écris pas, tu me fais peur. N'écris pas. Tu vas réveiller le voisin. Je ne peux pas te le donner. C'est impossible. Il est sale. Il est dégueulasse. Tu ne peux pas le porter comme cela. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le repasser. Je le laverai moi-même, j'irai à la laverie automatique. Tu dérailles, mon pauvre vieux. Tu es complètement dingue. C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, C'est tranquille. Et il y a des femmes. Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. Ne m'approche pas, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi aurais-tu peur de moi? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman, j'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père, que tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette? Et maintenant, tu es gentil avec moi. Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père. Et ta douceur me ferait tout oublier, Roberto. Oublie, maman, donne-moi mon treillis. Ma chemise kaki, mon pantalon de combat, même sale, même froissé, donne-les-moi. Et puis je partirai, je te le jure. Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher et surveiller chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu le changement se faire et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur ses rails, on l'abandonne, on l'oublie. Je t'ai oublié, Roberto, je t'ai oublié. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. Il est là, dans le panier. Il est sale et tout froissé. Zuko sort le treillis. Et maintenant, va-t'en. Tu me l'as juré. Oui, je l'ai juré. Il s'approche, la caresse, l'embrasse, la serre. Elle gémit. Il la lâche et elle tombe, étranglée. Zuko se déshabille, enfile son treillis et sort. Scène 3. Sous la table. Dans la cuisine, une table recouverte d'une nappe qui descend jusqu'au sol. Entre la sœur de la gamine. Elle se dirige vers la fenêtre, l'entrouvre. Entre, ne fais pas de bruit, enlève tes chaussures, assieds-toi là et tais-toi. La gamine enjambe la fenêtre. Ainsi donc, à une heure pareille dans la nuit, je te trouve accroupie au pied d'un mur. Ton frère est en train de parcourir la ville avec la voiture et je peux te dire que quand il te retrouvera, tu en auras plein les fesses car il s'est fait une inquiétude d'enfer. Ta mère a guetté à la fenêtre pendant des heures en faisant toutes les suppositions du monde, depuis le viol collectif par une bande de voyous, jusqu'au corps dépecé qu'on retrouvera dans un bois. Sans parler du sadique qui t'aurait coincé dans la cave, tout y est passé. Et ton père est déjà tellement sûr de ne plus te revoir qu'il s'est saoulé la gueule et qu'il ronfle sur le canapé avec le ronflement du désespoir. Quant à moi, je tourne dans le quartier comme une folle et je te trouve là, tout simplement accroupi au pied d'un mur, alors qu'il t'aurait suffi de traverser la cour pour nous rassurer. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère, et j'espère bien qu'il te les bottera jusqu'au sang. Mais je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Tu as décidé de faire le grand silence. Silence. Silence. On s'agite autour de moi, mais je me tais, bouche cousue. On verra si ta bouche restera cousue quand ton frère te bottera les fesses. Quand donc ouvriras-tu la bouche pour m'expliquer pourquoi, alors que tu avais la permission de minuit, pourquoi es-tu rentré si tard? Car si tu n'ouvres pas le bec, je vais commencer à m'affoler. Je vais faire toutes les suppositions moi aussi. Mon petit moineau, parle à ta sœur. Je suis capable de tout entendre et je te protégerai. Je le jure, de la colère de ton frère. Il t'est arrivé une petite histoire de gamine. Tu as rencontré un garçon. Il a été idiot comme tous les garçons. Il a été maladroit. Il t'a brusqué. Je connais cela, mon pinson. J'ai été une gamine. J'ai été à des fêtes où les garçons sont des imbéciles. Même si tu t'es fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire ? Tu te feras encore mille fois embrasser par des imbéciles, que tu en aies envie ou pas, et tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre, que tu en aies envie ou non. Parce que les garçons sont des imbéciles et tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre la main aux fesses des gamines. Ils adorent cela. Je ne sais pas quel plaisir ils y trouvent. Je crois bien d'ailleurs qu'ils n'y trouvent aucun plaisir. C'est dans leur tradition. Ils n'y peuvent rien. Ils sont fabriqués avec de l'imbécilité. Mais de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame. L'essentiel est que tu ne te fasses pas voler ce qui ne doit pas être volé avant l'heure. Mais je sais que tu attendras ton heure, que nous choisirons tous ensemble, ta mère, ton père, ton frère, moi-même, et toi aussi d'ailleurs, à qui tu le donneras. Ou alors il faudrait que l'on t'ait fait violence, et cela, qui oserait le faire à une gamine comme toi ? Si pure, si vierge. Dis-moi qu'on ne t'a pas fait violence. Dis-moi qu'on ne t'a pas volé cela, n'est-ce pas, qui ne doit pas être volé. Réponds, réponds, ou je me fâche. Cache-toi vite sous la table, je crois bien que voilà ton frère qui rentre. La gamine disparaît sous la table. Entre le père, en pyjama, à moitié endormi. Il traverse la cuisine, disparaît quelques secondes, retraverse la cuisine et retourne dans sa chambre. Tu es une gamine, tu es une petite vierge. Tu es la petite vierge de ta sœur, de ton frère, de ton père et de ta mère. Ne me dis pas cette chose horrible. Tais-toi ou je deviens folle. Tu es perdue, et nous tous, perdus avec toi. Entre le frère, dans un grand fracas. La sœur se précipite sur lui. Ne crie pas, ne t'énerve pas. Elle n'est pas là, mais elle est retrouvée. Elle est retrouvée, mais elle n'est pas là. Calme-toi, ou je vais devenir folle. Je ne veux pas de tous les malheurs à la fois. Et si tu cries, je me tue. Où est-elle ? Où est-elle ? Elle est chez une amie, dans le lit de son amie, au chaud, en sécurité. Rien ne peut lui arriver, rien. Il nous arrive un terrible malheur. Ne crie pas, je t'en supplie, car après, tu pourrais le regretter et tu pourrais pleurer. Rien ne pourrait me faire pleurer. sauf un terrible malheur qui s'est arrivé à ma petite sœur. J'ai tellement veillé sur elle, et ce soir seulement, elle m'a échappé. Quelques heures, elle m'a échappé, sur des années et des années où j'ai veillé sur elle. Le malheur a besoin de plus de temps pour s'abattre sur quelqu'un. Le malheur ne demande pas de temps. Il vient quand il veut. Il transforme tout en un instant. Il détruit en un instant un objet précieux que l'on garde depuis des années. Elle prend un objet et le fait tomber sur le sol. Et on ne peut pas recoller les morceaux. Même en criant, on ne pourrait pas recoller les morceaux. Entre le père. Il traverse la cuisine, comme la première fois, et disparaît. Aide-moi, ma sœur. Aide-moi. Tu es plus forte que moi. Je ne supporte pas les malheurs. Personne ne supporte le malheur. Partage-le avec moi. Je déborde déjà. Je vais boire un coup. Il sort. Le père revient. Tu pleures, ma fille? J'ai cru entendre quelqu'un pleurer. La sœur se lève. Non, je chantonne. Elle sort. Tu as bien raison. Cela éloigne le malheur. Il sort. Au bout d'un moment, la gamine sort de dessous la table, s'approche de la fenêtre, l'entrouve, fait entrer Zuko. Enlève tes chaussures. Comment t'appelles-tu ? Appelle-moi comme tu veux. Et toi ? Moi, je n'ai plus de nom. On m'appelle tout le temps de noms de petites bêtes. Poussin, pinson, moineau, alouette, étourneau, colombe, rossignol. Je préférerais que l'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie ? Oui, dans la vie. Ton métier, ton occupation, comment tu gagnes de l'argent, et toutes ces choses que tout le monde fait. Je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est, un agent secret ? Je sais ce que c'est qu'un secret. Mais un agent, en plus d'être secret, il voyage. Il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme ? Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme. Regarde. Il sort un poignard. Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. En dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre, un agent secret ? Il voyage, il va en Afrique. Tu connais l'Afrique ? Très bien. Je connais des coins en Afrique, des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur des lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent le lac sous la neige. Comment tu t'appelles ? Dis-moi ton nom. Jamais je ne dirai mon nom. Pourquoi ? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder les secrets. Dis-moi ton nom. Je l'ai oublié. Menteur. Andreas. Non. Angelo. Ne te moque pas de moi ou je crie. Ce n'est aucun de ces noms-là. Et comment le sais-tu, puisque tu ne le sais pas ? Impossible ! Je le reconnaîtrai tout de suite ! Je ne peux pas le dire. Même si tu ne peux pas le dire, dis-le-moi quand même. Impossible ! Il pourrait m'arriver un malheur. Cela ne fait rien. Dis-le-moi quand même. Si je te le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Roberto. Roberto quoi ? Contente-toi de cela. Roberto, quoi? Si tu ne me le dis pas, je crie. Et mon frère, qui est très en colère, te tuera. Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret. Est-ce que tu le sais, vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Zuko. Roberto Zuko. Je n'oublierai jamais ce nom. Cache-toi sous la table, voilà du monde. Entre la mer. Tu parles toute seule, mon rossignol? Non, je chantonne pour éloigner le malheur. Tu as raison. Voyant l'objet brisé. Tant mieux. Voilà longtemps que je voulais être débarrassée de cette saloperie. Elle sort. La gamine rejoint Zuko, cachée sous la table. Toi, mon vieux, tu m'as pris mon pucelage. Tu vas le garder. Maintenant, il n'y aura personne d'autre qui pourra me le prendre. Tu l'as jusqu'à la fin de tes jours. Tu l'auras même quand tu m'auras oublié ou que tu seras mort. Tu es marqué par moi comme par une cicatrice après une bagarre. Moi, je ne risque pas d'oublier, puisque je n'en ai pas d'autre à donner à personne. Fini. C'est fait. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est donné, et c'est toi qui l'as. Scène 4. La mélancolie de l'inspecteur. La réception, un hôtel de pute du petit Chicago. Je suis triste, patronne. Je me sens le cœur bien lourd et je ne sais pas pourquoi. Je suis souvent triste, mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude, lorsque je me sens ainsi, avec le goût de pleurer ou de mourir, je cherche la raison de cet état. Je fais le tour de tout ce qui est arrivé dans la journée, dans la nuit et la veille. Et je finis toujours par trouver un événement sans importance qui, sur le coup, ne m'a pas fait d'effet, mais qui, comme une petite saloperie de microbe, s'est logé dans mon cœur et me le tord dans tous les sens. Alors, quand j'ai repéré quel est l'événement sans importance qui me fait tant souffrir, j'en rigole. Le microbe est écrasé comme un pou par un ongle et tout va bien. Mais aujourd'hui, j'ai cherché. Je suis remonté jusqu'à 3 jours en arrière, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et me voilà revenu maintenant sans savoir d'où vient le mal. Toujours aussi triste. Et le cœur aussi lourd. Vous tripatouillez trop dans les cadavres et les histoires des macros, inspecteur. Il n'y a pas tant de cadavres que cela. Mais des macros, oui, il y en a beaucoup trop. Il vaudrait mieux davantage de cadavres et moins de macros. Moi, je préfère les macros. Ils me font vivre et ils sont bien vivants eux-mêmes. Il faut que je m'en aille, patronne. Adieu. Zuko sort d'une chambre, ferme sa porte à clé. Il ne faut jamais dire adieu, inspecteur. L'inspecteur sort, suivi de Zuko. Au bout de quelques instants, une pute affolée entre. Madame, madame! Des forces diaboliques viennent de traverser le petit Chicago. Tout le quartier est troublé. Les putes ne travaillent plus. Les macs restent la bouche ouverte. Les clients ont fui. Tout s'est arrêté. Tout est pétrifié. Madame, vous avez abrité le démon dans votre maison. Ce garçon qui est arrivé récemment, qui n'ouvre pas la bouche, qui ne répond pas aux questions des dames, à se demander s'il a une voix et un sexe. Ce garçon, pourtant, au regard si doux, ce beau garçon, décidément, et on en a beaucoup parlé entre dames. Le voici qui sort derrière l'inspecteur. On l'observe bien, nous, les dames. On rigole, on fait des suppositions. Il marche derrière l'inspecteur qui semble plongé dans une réflexion profonde. Il marche derrière lui, comme son ombre. Et l'ombre rétrécit comme au moment de midi. Il est de plus en plus près du dos courbé de l'inspecteur et brusquement, il sort un long poignard d'une poche de son habit et le plante dans le dos du pauvre homme. L'inspecteur s'arrête. Il ne se retourne pas. Il balance doucement la tête, comme si la réflexion profonde dans laquelle il était plongé venait de trouver sa solution. Puis tout son corps balance et il s'effondre sur le sol. Ni le meurtrier, ni sa victime ne se sont à aucun moment regardés. Le garçon avait les yeux fixés sur le revolver de l'inspecteur. Il se penche, le prend, le met dans sa poche et il s'en va, tranquillement, avec la tranquillité du démon, madame. Car personne n'a bougé. Tout le monde, immobilisé, l'a regardé partir. Il a disparu dans la foule. C'était le diable que vous aviez sous votre toit, madame. De toute façon, avec le meurtre d'un inspecteur, ce garçon, il est fichu. Scène 5. Le frangin. La cuisine. La gamine est contre le mur, terrorisée. N'aie pas peur de moi, Poussin. Je ne te ferai pas de mal. Ta sœur est une idiote. Pourquoi croit-elle que je t'aurais tabassé? Maintenant, tu es une femelle. Je n'ai jamais tabassé une femelle. J'aime bien les femelles. C'est ce que je préfère. C'est beaucoup mieux qu'une sœur cadette. C'est emmerdant, une sœur cadette. Faut tout le temps la surveiller, avoir l'œil sur elle. Pour protéger quoi? Sa virginité? Pendant combien de temps faut-il surveiller la virginité d'une sœur? Tout le temps que j'ai passé à veiller sur toi est du temps perdu. Je regrette tout ce temps-là. Je regrette chaque jour, chaque heure perdue à avoir l'œil sur toi. On devrait déflorer les gamines dès qu'elles sont gamines. Comme ça, on fichait la paix aux frères aînés. Et ils n'auraient plus rien à surveiller. Ils pourraient passer leur temps à autre chose. Moi, je suis bien content que tu te sois fait sauter par un mec. Parce que maintenant, j'ai la paix. Tu fais ton chemin. Je fais le mien. Je ne te traîne plus derrière moi comme un boulet. Viens plutôt boire un verre avec moi. Il faut que tu apprennes maintenant à ne plus baisser les yeux, à ne plus rougir, à oser regarder les garçons. Tout ça, c'est fini. Sois effronté. Lève la tête. Regarde les mecs. Dévisage-les. Ils adorent cela. Ça ne sert à rien d'être modeste. Une seconde de plus. Éclate-toi, ma vieille. Et tout de suite, lâche-toi dans la nature. Va traîner dans le petit Chicago avec les putes. Fais-toi pute. Tu gagneras du fric et tu ne seras plus à la charge de personne. Et peut-être que je te rencontrerai dans les bars où ça drague. Je te ferai un petit signe. On sera frangin et frangine de bar. C'est moins emmerdant. Et on s'amuse beaucoup plus. Ne perds plus ton temps à baisser les yeux et à serrer les jambes, Poussin. Ça ne sert plus à rien. De toute façon, maintenant, le mariage s'est fichu. Ça valait le coup de te surveiller pour le mariage. Ça valait le coup que tu baisses les yeux timidement jusqu'au jour du mariage. Mais maintenant, le mariage est fichu. Alors tout le reste est fichu aussi, en un seul coup. Comme cela, tout est fichu. Le mariage, la famille, ton père, ta mère, ta frangine. Et moi, je m'en fous. Ton père ronfle de misère. Et ta mère pleure. Il vaut mieux les laisser pleurer et ronfler et quitter la maison. Tu peux faire des enfants. On s'en fiche. Tu peux ne pas en faire.

Un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre. Comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur, ni odeur. Que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Mais je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études, j'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée, parmi d'autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux et traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour, demain, du cours de linguistique. J'y serai, invisible parmi les invisibles, silencieux et attentif dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait me changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase et qui se déplace très lentement, et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre. On peut toujours dérailler, jeune homme. Oui, maintenant je sais que n'importe qui peut dérailler, n'importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras, me voici hors du monde. À cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, avec surtout l'inquiétude de ce qui se passera quand les lumières ordinaires se rallumeront et que le premier métro passera et que les gens ordinaires, comme je l'étais, envahiront cette station. Mais moi, après cette première nuit blanche, il va bien falloir sortir, traverser la grille, enfin ouverte, voir le jour, alors que je n'ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien maintenant de ce qui va se passer, de la manière dont je verrai le monde et dont le monde me verra ou ne me verra pas. Car je ne saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit. Je ne saurai plus quoi faire. Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure et tout cela me fait bien peur, jeune homme. Il y a de quoi avoir peur, en effet. Oh, vous bégayez très légèrement. J'aime beaucoup cela. Cela me rassure. Aidez-moi à l'heure où le bruit envahira ce lieu. Aidez-moi. Accompagnez le vieil homme perdu que je suis jusqu'à la sortie. Et au-delà, peut-être. Les lumières de la station se rallument. Zuko aide le vieux monsieur à se lever et l'accompagne. Le premier métro passe. Scène 7. Deux sœurs, dans la cuisine. La gamine, avec un sac, entre sa sœur. Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi, tu es une vierge prolongée. Tu ne sais rien de la vie. Tu as bien veillé sur toi. Tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille. Je suis violée. Je suis perdue. Je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences ? N'es-tu pas une vieille fille qui ne connaît rien à rien et devrait se taire devant mon expérience ? De quelle expérience parles-tu ? L'expérience du malheur ne sert à rien. Elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère et ta sœur. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon étourneau, sous le regard de ta sœur, de ton frère et de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai, et que j'oublie déjà, mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé, parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimée. Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela ? Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu n'as jamais été aimée. Tu es restée toute seule toute ta vie. Et tu as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi. Si. Je sais que tu as été très malheureuse. Je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison, à des heures régulières, pour prendre de l'avance. Et maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer. J'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir ? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas ? Je le retrouverai. Impossible. Tu sais bien que ton frère a essayé des heures et des nuits pour te venger. Mais moi, je ne veux pas me venger. Alors je le retrouverai. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé ? Je lui dirai quelque chose. Quoi ? Quelque chose. Où penses-tu le retrouver ? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, colombe innocente ? Non, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas toute seule. Je ne veux pas rester seule avec ton frère et tes parents. Je ne veux pas rester seule dans cette maison. Sans toi, ma vie ne vaudra plus rien. Plus rien n'aura de sens. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je déteste ton frère et tes parents et cette maison. Il n'y a que toi que j'aime. Colombe, Colombe, il n'y a que toi dans toute ma vie. Le père entre, furieux. Votre mère a caché la bière. Je vais la battre comme je le faisais jadis. Pourquoi ai-je arrêté un jour ? J'avais le bras fatigué, mais j'aurais dû me forcer. Faire de l'exercice. Le faire par quelqu'un d'autre. J'aurais dû continuer comme autrefois, l'abattre tous les jours à heure régulière. Mais voilà, j'ai été négligent et maintenant elle me cache la bière. Et je suis sûr que vous êtes complice. Il regarde sous la table. Il en restait 5 bouteilles. Je vous battrai 5 fois chacune si je ne les retrouve pas. Il sort. Ma tourterelle, dans le petit Chicago. Comme tu dois être malheureuse, et combien tu le seras. entre la mer. Votre père est encore sous. Il s'est enfilé des bières les unes après les autres. Qu'est-ce que vous faites, vous, à être si complaisante avec ce vieux fou ? Vous me laissez me battre toute seule contre cet ivrogne. Vous vous en fichez. Vous le laissez nous ruiner en alcool. Vous êtes deux petites sottes qui bavardez. Vous ne vous occupez que de vos petites histoires idiotes. Et vous me laissez seule avec ce poivreau. Qu'est-ce que c'est que ce sac ? Elle va chez son amie pour y passer la nuit. Son amie ? Son amie ? Qu'est-ce que c'est que cet ami ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires entre filles ? Qu'a-t-elle besoin de passer la nuit chez son ami ? Les lits sont-ils meilleurs qu'ici ? Le noir de la nuit est-il plus noir là-bas qu'ici ? Si vous en aviez encore l'âge et moi la force, je vous battrais toutes les deux. Elle sort. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Je suis malheureuse et je suis heureuse. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à cette souffrance-là. Et moi, je vais mourir si tu m'abandonnes. La gamine prend son sac et sort. Scène 8. Juste avant de mourir. Un bar de nuit, une cabine téléphonique. Zuko est projeté à travers la fenêtre dans un grand fracas de verre brisé. Cris à l'intérieur. Attroupement à la porte. C'est ainsi que je fus créé comme un athlète. Aujourd'hui, ta colère énorme me complète. Ô mère, et je suis grand sur mon socle divin, de toute ta grandeur rongeant mes pieds en vain. Nu, fort, le front plongé dans un gouffre de brume. On pèle de froid. Ce garçon va attraper la mort. Ne t'inquiète pas pour lui, il transpire. Il doit avoir bien chaud à l'intérieur. Enveloppé de bruit et de grêle et d'écume et de nuits et de vents qui se heurtent entre eux, je dresse mes deux bras vers l'éther ténébreux. Il est sous ce type. Impossible, il n'a rien bu. Il est cinglé, c'est tout. Il faut le laisser tranquille. Le laisser tranquille ? Il nous emmerde depuis des heures, on devrait le laisser tranquille ? Qu'il me cherche encore une fois et je lui écrase la tête. La pute s'approchant de Zuko pour le relever. Ne cherche plus la bagarre, gamin. Ne cherche plus la bagarre. Ta belle gueule est déjà bien abîmée. Tu veux donc que les filles ne se retournent plus sur toi ? C'est fragile, une gueule, bébé. On croit qu'on l'a pour toute la vie, et tout d'un coup, elle est bousillée par un grand connard qui n'a rien à perdre pour sa gueule à lui. Toi, tu as beaucoup à perdre, bébé. Une gueule cassée et toute ta vie est fichue comme si on t'avait coupé la queue. Tu n'y penses pas avant, mais je te jure que tu y penseras après. Ne me regarde pas comme cela, ou je vais me mettre à pleurer. Tu es de la race de ceux qui donnent envie de pleurer, rien qu'à les regarder. Zuko s'approche du balèze et lui donne un coup de poing. Ils ne vont pas recommencer. Ne me cherche pas, petit, ne me cherche pas. Zuko lui donne un second coup de poing. Le balèze répond, ils se battent. Moi j'appelle les flics, il va le tuer. Pas question d'appeler les flics. De toute façon, il est déjà étalé par terre. Zuko se relève et poursuit le balèze qui s'en allait. Il s'accroche à lui et lui frappe le visage. Ne réponds pas, laisse-le tranquille, il ne tient déjà plus debout. Bats-toi, lâche. Dégonflé, sans couilles. Le balèze l'envoie voler en l'air. Une fois encore et je l'écrase comme un moustique. Zuko se relève encore, cherche de nouveau la bagarre. N'y touche pas, ne l'abîme pas. Le balèze assomme Zuko d'un coup de poing. Il l'a démoli, le gars. C'était facile. Il a raison de dire que vous êtes des lâches. Un homme ne doit pas se laisser mordre deux fois par le même chien. Ils entrent dans le bar. Zuko se relève, s'approche de la cabine. Il décroche, fait un numéro, attend. Je veux partir. Il faut partir tout de suite. Il fait trop chaud dans cette putain de ville. Je veux aller en Afrique sous la neige. Il faut que je parte parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas. Avec les femmes, moi, c'est par pitié que je bande. J'aimerais renaître chien pour être moins malheureux. Chien de rue, fouilleur de poubelles. Personne ne me remarquerait. J'aimerais être un chien jaune, bouffé par la gale, dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais être un fouilleur de poubelles pour l'éternité. Je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Il faut arrêter d'enseigner les mots. Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De toute façon, un an, 100 ans, c'est pareil. Tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait chanter les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Je vous l'avais dit que c'était un fou. Il parle à un téléphone qui ne marche pas. Zuko lâche l'écouteur, s'assied contre la cabine. Le balèze s'approche de Zuko. À quoi tu réfléchis, petit ? Je songe à l'immortalité du crabe, de la limace et du hanneton. Tu sais, je n'aime pas me battre, moi. Mais tu m'as tellement cherché, petit, que l'on ne peut pas encaisser sans rien dire. Pourquoi as-tu tellement cherché la bagarre ? On dirait que tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Comme tout le monde, petit. Ce n'est pas une raison. Peut-être. Le problème avec la bière, c'est qu'on ne l'achète pas, on ne fait que la louer. Il faut que j'aille pisser. Vas-y, avant qu'il ne soit trop tard. Est-il vrai que même les chiens me regarderont de travers ? Les chiens ne regardent jamais personne de travers. Les chiens sont les seuls êtres en qui tu peux faire confiance. Ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas, mais ils ne te jugent jamais. Et quand tout le monde t'aura laissé tomber, petit, il y aura toujours un chien qui traîne par là pour te lécher la plante des pieds. Morte villana, di pietà nemica, di dolor madre antica, giudizio incontestabile gravoso. Di te blasmar la lingua sa fatica. Faut que t'ailles pisser. C'est trop tard. L'aube se lève. Zuko s'endort. Scène 9. Dalila, un commissariat de police. Un inspecteur, un commissaire. Entre la gamine, suivie de son frère. Celui-ci reste dans l'ombre de la porte. La gamine s'avance vers le portrait de Zuko et le désigne du doigt. Je le connais. Qu'est-ce que tu connais ? Ce garçon. Je le connais très bien. Qui est-ce ? Un agent secret. Un ami. Qui est ce type derrière toi ? Mon frère, il m'a accompagné. C'est lui qui m'a dit de venir vous voir parce que j'ai reconnu cette photo dans la rue. Sais-tu qu'on le recherche ? Oui. Moi aussi, je le recherche. C'est un ami, dis-tu ? Un ami, oui. Un ami. Un tueur de flics. Tu vas être arrêté et inculpé de complicité, dissimulation d'armes et non dénonciation de malfaiteurs. C'est mon frère qui m'a dit de venir vous dire que je le connaissais. Je ne dissimule rien. Je ne dénonce personne. Je le connais, c'est tout. Dis à ton frère de sortir. Tu n'as pas entendu ? Dehors, toi ! Le frère sort. Que sais-tu de lui ? Tout. Français ? Étranger ? Il avait un très petit, très joli accent étranger. Germanique ? Je ne sais pas ce que veut dire germanique. Ainsi donc, il t'a dit qu'il était agent secret. C'est étrange. En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderais ce secret, quoi qu'il arrive. Bravo ! Si tous les secrets étaient gardés comme cela, notre travail serait facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions en Afrique, dans les montagnes, là où il y a de la neige tout le temps. Un agent allemand au Kenya. Les suppositions de la police n'étaient pas si fausses, après tout. Elles étaient exactes, commissaire. Son nom, maintenant. Tu le sais, tu dois le savoir, puisque c'était ton ami. Oui, je le sais. Dis-le. Je le sais très bien. Tu te moques de nous, gamine. Est-ce que tu veux des gifles ? Je ne veux pas de gifles. Je le sais, mais je n'arrive pas à le dire. Comment ça, tu n'arrives pas à le dire ? Je l'ai là, au bout de la langue. Au bout de la langue, au bout de la langue. Tu veux des gifles et des coups de poing et qu'on te tire les cheveux ? On a des salles équipées tout exprès ici, tu sais. Non, non, je l'ai là. Il va venir. Son prénom au moins. Tu dois bien t'en souvenir. Tu as bien dû lui lécher cela dans l'oreille. Un prénom ! N'importe lequel. Ou je te traîne dans la salle de torture. Andreas. Noté. Andreas. Tu en es sûr ? Non. Je vais la tuer. Accouche de cette saloperie de nom ou je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi ou tu t'en souviendras. Angelo. Un Espagnol. Ou un Italien, un Brésilien, un Portugais, un Mexicain. J'ai même connu un Berlinois qui s'appelait Julio. Vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve. Je le sens là, au bord des lèvres. Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir ? Angelo. Angelo. Dolce. Ou quelque chose comme ça. Dolce. Comme doux ? Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Azucarado, zuccherato, sweetened, kesukert, okkson. Je sais tout cela, commissaire. Zuko. Zuko. Roberto Zuko. Tu en es sûr ? Sûr. J'en suis sûre. Zuko. Avec un Z. Avec un Z, oui. Roberto. Avec un Z. Conduisez-la faire sa déposition. Et mon frère ? Ton frère ? Quel frère ? Qu'as-tu besoin d'un frère ? Nous sommes là. Ils sortent. Scène 10. L'otage. Dans un jardin public, en plein jour. Une dame élégante est assise sur un banc entre Zuko. Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi. Je m'ennuie, on se fera la conversation. Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide ? Je ne suis pas timide. Pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes. Vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime bien les femmes, oui. Beaucoup. Vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ah, ça, c'est très bien. Avez-vous déjà été dur avec une femme ? Jamais. Mais l'envie ? Vous avez déjà dû avoir l'envie d'être violent avec une femme, n'est-ce pas ? Cette envie-là, tous les hommes l'ont eue un jour. Tous. Pas moi. Je suis doux et pacifique. Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi ? Ah non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Ah, alors vous êtes venu en voiture ? Évidemment, je ne suis pas venu à pied, j'habite à l'autre bout de la ville. C'est quelle marque, la voiture ? Vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche. Non, je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari est un radin. Quelle marque ? Mercedes. Laquelle ? 280 SE. Ce n'est pas une petite voiture minable. Peut-être, non, mais mon mari est un radin quand même. C'est quoi ce type ? Il vous regarde tout le temps ? C'est mon fils. Votre fils ? Ah, il est grand. 14 ans, pas une année de plus. Je ne suis pas une vieille peau. Mais il a l'air plus vieux que cela. Il fait du sport ? Il ne fait que cela. Je lui paye tous les clubs de la ville, tous les cours de tennis, de hockey, de golf, et avec cela, il trouve le moyen d'exiger que je l'accompagne à l'entraînement. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de votre voiture. Monsieur, bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi ? Oui, je veux la voiture. Prenez-la. Donnez-moi les clés. Vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Il sort le pistolet, le pose sur ses genoux. Vous êtes fou. On ne joue pas avec ces engins-là. Appelez votre fils. Certainement pas. La menaçant avec le pistolet. Appelez votre fils. Vous êtes cinglé. Fiche le camp. Rentre à la maison. Débrouille-toi tout seul! Le fils s'approche. La femme se lève. Zuko lui met le pistolet sur la gorge. Tirez donc, imbécile. Je ne vous donnerai pas les clés. Ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote. Mon mari me prend pour une idiote. Mon fils me prend pour une idiote. La bonne me prend pour une idiote. Vous pouvez tirer, ça fera une idiote de moins. Mais je ne vous donnerai pas les clés. Tant pis pour vous, parce que c'est une voiture superbe. Fauteuil en cuir et tableau de bord en ronce de noyer. Tant pis pour vous. Arrêtez de faire du scandale. Regardez. Ces imbéciles vont s'approcher. Ils vont faire des commentaires. Ils vont appeler la police. Regardez. Ils s'en lèchent déjà les babines. Ils adorent ça. Je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Et tirez donc. Je ne veux pas les entendre. Je ne veux pas entendre. N'approche pas. Regardez comme il tremble. N'approche pas, nom de Dieu. Couche-toi par terre. C'est l'enfant qui lui fait peur. Et maintenant, les mains le long du corps. Approche-toi. Mais comment veut-il qu'il rampe avec les mains le long du corps ? C'est possible, c'est possible. Moi, j'y arriverai. Doucement, les mains dans le dos. Ne relève pas la tête, arrête-toi, ne bouge pas du tout, je tue ta mère. Il le ferait ? Bien sûr, il va le faire, pauvre gosse. Tu jures de ne pas bouger ? Je le jure. Mets bien la tête contre le sol. Tourne-toi doucement pour avoir la tête de l'autre côté. Tourne-toi, je ne veux pas que tu puisses nous voir. Mais pourquoi avez-vous peur de moi ? Je ne peux rien faire. Je suis un enfant. Je ne veux pas qu'on tue ma mère. Il n'y a pas de quoi avoir peur de moi. Vous êtes beaucoup plus fort que moi. Oui, je suis plus fort que toi. Eh bien alors, pourquoi avez-vous peur de moi ? Qu'est-ce que je pourrais vous faire, moi ? Je suis tout petit. Tu n'es pas si petit que cela et je n'ai pas peur. Ah si, si, si, si, vous tremblez, j'entends bien que vous tremblez. Voilà les flics ! Maintenant, il va avoir des raisons de trembler. On va rire, on va rire. Ferme les yeux. Ils sont fermés, ils sont fermés. Bon Dieu, mais vous êtes un trouillard. Ferme la bouche aussi. Je ferme tout, d'accord, mais t'es un trouillard. C'est à une femme que tu fais peur. C'est une femme que tu menaces avec ton flingue. C'est quoi la voiture de ta mère ? Une Porsche, peut-être bien. Bah, tais-toi, ta gueule, ferme ta bouche, ferme les yeux, fais le mort. Je sais pas comment on fait le mort. Tu vas le savoir, je vais tuer ta mère et tu verras ce que c'est que faire le mort. Pauvre gosse. Je fais le mort, je fais le mort. Les flics n'approchent pas. Ils ont la trouille. Mais non, c'est de la stratégie. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont les moyens qu'on ne connaît pas, mais ils savent ce qu'ils font. Croyez-moi, le type est fichu. La femme aussi, sans doute. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais qu'ils ne touchent pas au gosse, surtout pas le gosse, grand Dieu. Zuko s'approche de l'enfant en poussant la dame avec toujours le pistolet sur son cou. Puis il pose le pied sur la tête de l'enfant. Ah, mon Dieu ! Les enfants voient de belles, de nos jours. Nous aussi, on en a vu de belles quand on était gamins. Parce que vous avez été menacé par un fou, vous aussi ? Et la guerre, madame ? Vous avez oublié la guerre ? Ah bon ? Parce que les Allemands posaient le pied sur votre tête et menaçaient votre mère ? Pire que cela, madame, pire que cela. En tous les cas, vous voilà bien vivant, bien vieux et bien gras. Madame, vous êtes grossière. Moi, je ne pense qu'à l'enfant, je ne pense qu'à l'enfant. Mais enfin, arrêtez avec votre enfant. C'est la femme qui a le pistolet sur la gorge. Oui, mais c'est l'enfant qui va souffrir. Dites donc, monsieur, c'est cela que vous appelez la technique spéciale des flics ? Tu parles d'une technique, ils restent à l'autre bout, ils ont la trouille. J'ai dit que c'était de la stratégie. Stratégie, mon cul ! Lâchez votre arme ! Bravo ! Nous voilà sauvés ! Sacrée stratégie ! Mais il prépare un coup, je vous dis ! Moi, je ne vois que celui-là qui soit en train de préparer un coup. Le coup est déjà pratiquement fait, d'ailleurs. Pauvre gosse ! Madame, je vais vous gifler si vous continuez à parler du gosse ! Vous croyez vraiment que c'est le moment de se disputer ? Un peu de dignité ! Nous sommes témoins d'un drame. Nous sommes devant la mort. Nous vous ordonnons de lâcher votre arme. Vous êtes cerné. Dites-lui qu'elle me donne les clés de la voiture. C'est une Porsche. Imbécile. Donnez-lui la clé. Donnez-lui la clé. Jamais. Il n'a qu'à la prendre lui-même. Il va vous faire péter la gueule, ma petite dame. Tant mieux. Je ne verrai plus vos gueules à vous. Tant mieux. Cette femme est affreuse. Elle est méchante. Il y a tant de gens méchants et cruels. Prenez-lui les clés de force. Il n'y a donc pas un homme ici pour lui fouiller les poches et prendre les clés ? Vous, là, qui avez tant souffert quand vous étiez gamin, vous, dont les Allemands mettaient le pied sur votre tête en menaçant votre mère, montrez donc que vous avez des couilles, montrez donc qu'il vous en reste au moins une, même petite, même desséchée. Madame, vous méritez d'être giflée. Vous avez de la chance que je sois un homme du monde. Fouillez donc dans ses poches, prenez les clés et giflez-moi après. L'homme s'approche en tremblant, tend le bras, cherche dans la poche de la dame, en tire les clés. Imbécile. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Qu'on amène cette Porsche jusqu'ici ? Elle rit. Elle trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir. Quelle horreur ! C'est une folle ! Donnez la clé aux flics. Qu'ils s'occupent de cela, au moins. J'espère qu'au moins, ils savent conduire une voiture. C'est pas une Porsche. C'est une Mercedes. Quel modèle ? 280 SE, je crois. Très belle. Mercedes, C'est de la bonne voiture. Mais amenez-la donc, quelle que soit la marque. Il va tuer tout le monde. Je veux une Porsche, je ne veux pas qu'on se foute de ma gueule. Demandez aux flics de trouver une Porsche. Ne discutez pas, puisque c'est un fou, c'est un fou. Il faut lui trouver une Porsche. Cela, au moins, les flics sauront le faire. Allez savoir, ils restent à l'écart. Et regardez-nous, nous autres, hommes du peuple, nous sommes plus courageux qu'eux. Pauvre petit, est-ce que ce méchant pied ne te fait pas mal ? Taisez-vous, je ne veux pas qu'on lui parle. Je ne veux pas qu'il ouvre la bouche. Ferme les yeux, toi. Ne bouge pas. Et vous, madame, comment vous sentez-vous ? Ça va, merci, ça va. Mais je me sentirais tellement mieux si vous fermiez vos gueules, et que vous retourniez dans vos cuisines, et que vous partiez torcher vos mômes. Elle est dure. Voilà les clés de la voiture. C'est une Porsche, elle est là. Vous pouvez la voir d'ici. Passez-lui les clés. Donnez-lui donc vous-même. C'est votre métier, les tueurs. Nous avons nos raisons. Raison, mon cul. Moi, je ne touche pas à ces clés. Ce n'est pas mon boulot. Je suis père de famille. Je vais descendre la femme et je me tire une balle dans la tête. Je n'ai rien à foutre de ma vie. Je vous jure que je n'en ai rien à foutre. Il y a 6 balles dans le chargeur. Je descends 5 personnes et je me descends après. Il va le faire. Il va le faire. Partons. Ne bougez pas. Vous allez l'énerver. C'est vous qui nous énervez à ne rien faire. Ne les embêtez pas. Laissez-les faire. Ils ont un plan, c'est sûr. Ne bougez pas. Le flic pose les clés par terre et avec un bâton les pousse à travers les jambes des gens jusqu'aux pieds de Zuko. Zuko se baisse doucement, ramasse la clé, la met dans sa poche. Je prends la femme avec moi. Écartez-vous. L'enfant est sauvé. Merci, mon Dieu. Et la femme, qu'est-ce qu'il va lui arriver à elle ? Écartez-vous. Tout le monde s'écarte. Tenant d'une main le pistolet, Zuko se penche, prend la tête de l'enfant par les cheveux et lui tire une balle dans la nuque. Hurlement, fuite. Tenant le pistolet braqué sur la gorge de la femme, Zuko, dans le parc presque déserté, se dirige vers la voiture. Scène 11. Le deal. À la réception de l'hôtel du Petit Chicago. La patronne dans son fauteuil. Et la gamine qui attend. Je suis laide. Ne dis pas de sottises, canard. Je suis grosse. J'ai un double menton. Deux ventres. Des seins comme des ballons de football. Et quant aux fesses... Heureusement qu'elles sont derrière nous. Comme ça, on ne les voit pas. Mais je suis certaine qu'elles sont comme deux jambons qui balancent à chaque pas que je fais. Veux-tu te taire, petite dinde ? Mais j'en suis sûre, j'en suis sûre ! Je vois bien dans la rue les chiens qui me suivent, la langue dehors, et de la bave qui dégouline de leur gueule. Mais si je les laissais faire, ils croqueraient là-dedans comme à un étalage de boucherie. Mais où vas-tu chercher cela, petite dinde ? Tu es jolie, tu es ronde, tu es potelée, tu as des formes. Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs qu'on a peur de casser en les prenant dans la main ? Ils aiment les formes, ma petite. Ils aiment les formes qui leur remplissent bien la main. Je voudrais être maigre. Je voudrais être une branche d'arbre sec qu'on a peur de casser. Eh bien, pas moi. Et puis, tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Une femme change dans sa vie, elle n'a pas besoin de s'en occuper. Quand j'étais gamine comme toi, j'étais maigre, maigre. On voyait presque à travers moi, juste un peu de peau et quelques os. Pas l'ombre d'un sein, plate comme un garçon. Cela me mettait dans une colère, car à cette époque, je n'aimais pas les garçons. Je rêvais de m'arrondir, je rêvais d'avoir de jolis seins. Alors, je me mettais une poitrine en carton que j'ai fabriquée moi-même. Mais les garçons l'avaient bien repéré et chaque fois qu'ils passaient devant moi, il m'est lancé un de ses coups de coude dans les seins qui l'écrasait complètement. Au bout de quelques fois, j'ai mis une aiguille à l'intérieur du sein. Et ça a crié dans les chaumières. Tu peux me croire. Et puis, tu vois, tout se mit à s'arrondir, à se remplir, et j'étais bien contente. Rassure-toi, mon étourneau. Tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis laide, grosse, et je suis malheureuse. Entre le frère, en conversation avec un mac. Il ne jette pas un regard à la gamine. C'est trop cher. Ça n'a pas de prix. Tout a un prix. Et le tien est beaucoup trop élevé. Quand on peut mettre un prix sur quelque chose, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut discuter, baisser, monter le prix. Moi, j'ai fixé le prix abstraitement parce que ça n'a pas de prix. C'est comme un tableau de Picasso. T'as déjà vu quelqu'un dire que c'est trop cher? T'as déjà vu un vendeur baisser le prix d'un Picasso? Le prix que l'on fixe, dans ces cas-là, c'est une abstraction. En attendant, c'est une abstraction qui passera de ma poche à la tienne. Et le vide qu'il y aura dans ma poche, je ne le trouve pas si abstrait que cela. Un vide comme cela, ça se remplit. Tu le rempliras très vite, crois-moi. Et tu oublieras le prix que tu as payé dans un temps plus court que celui que tu mets à le discuter. Mais moi, je discute pas. Tu prends ou tu laisses. Tu fais la meilleure affaire de l'année ou tu restes dans ta misère. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Je réfléchis. Réfléchis, réfléchis, mais prends pas trop de temps. Il va falloir que je raccompagne ma sœur chez sa mère. D'accord, je prends. Tu as le nez qui brille, poussin. Il va falloir penser à te remettre de la poudre. La gamine sort. Il la regarde. Mon Picasso ? Je trouve quand même que c'est cher. Elle te fera gagner assez d'argent pour que tu en oublies le prix. Échange de l'argent. Quand est-ce qu'elle sera disponible ? T'énerve pas. T'énerve pas, on a tout le temps. Non, on n'a pas tout le temps. Tu as l'argent, je veux la fille. Tu l'as. Tu l'as, c'est comme si tu l'avais. Maintenant que tu as l'argent, tu regrettes. Je ne regrette rien du tout, rien. Je pense. À quoi tu penses? Ce n'est pas le moment de penser. Alors quand? Demain. Après-demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Oui. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas tout de suite? Tu t'énerves. Tu t'énerves. On entend les bruits de pas de la gamine. Tout de suite, d'accord? Le frère s'enfuit et va se cacher dans une chambre. Entre la gamine. Où est mon frère? Il m'a chargé de m'occuper de toi. Je veux savoir où est mon frère. Allez, viens avec moi. Je ne veux pas aller avec vous. Obéis immédiatement, grosse dinde. On ne discute pas les ordres d'un frère. La gamine et le mac sortent. Le frère sort de la chambre et s'assied en face de la patronne. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, patronne, je vous le jure. C'est elle qui a insisté. C'est elle qui a voulu venir dans ce quartier et faire le travail. Elle est à la recherche de je ne sais qui. Elle veut le retrouver. Elle est sûre de le retrouver ici. Moi, je ne voulais pas. J'ai veillé sur elle comme aucun frère aîné n'a jamais veillé sur sa sœur. Mon poussin, ma petite chérie, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'ai aimé. Je n'y peux rien. Le malheur s'est abattu sur nous. C'est elle qui a voulu. Je n'ai fait que lui céder. Je n'ai jamais pu ne pas céder à ma petite sœur. C'est le malheur qui nous a choisis et qui s'acharne sur nous. Il pleure. Tu es une belle ordure. Scène 12. La gare, dans une station de chemin de fer. Roberto Zucco. Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom? Parce que j'ai peur de l'oublier. On n'oublie pas son nom. Ce doit être la dernière chose que l'on oublie. Non, non, moi je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau, et de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Il faut que je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas. Je serai votre mémoire. J'aime les femmes. J'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop. Je les aime toutes. Il n'y a pas assez de femmes. Alors, vous m'aimez ? Ben oui, bien sûr, puisque vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous ? Parce que je vais prendre le train. Et la Porsche ? Pourquoi ne partez-vous pas en Porsche ? Je ne veux pas qu'on me remarque. Dans un train, personne ne voit personne. Et suis-je censé le prendre avec vous ? Non. Pourquoi pas ? Je n'ai aucune raison de ne pas le prendre avec vous. Vous ne m'avez pas déplu dès que je vous ai vu. Je vais le prendre avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous désirez. Sinon, vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le train. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais elle a oublié. Les mères oublient toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller ? À Venise. Venise ! Quelle drôle d'idée. Vous connaissez Venise ? Bien sûr, tout le monde connaît Venise. C'est là que je suis né. Bravo. J'ai toujours pensé que personne ne naissait à Venise et que tout le monde y mourait. Les bébés doivent naître tout poussiéreux et couverts de toiles d'araignée. En tous les cas, la France vous a bien nettoyé. Je ne vois pas de traces de poussière. La France est un excellent détergent. Bravo. Il faut que je parte absolument. Il faut que je parte. Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces gens. La trouille ? Soyez donc un homme. Vous avez une arme. Vous les feriez fuir, rien qu'en la tirant de votre poche. C'est parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Et moi, je ne l'ai pas. Avec tout ce que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai jamais eu. Et c'est justement parce que vous n'êtes pas un homme. Vous êtes compliqué. Compliqué. Si on me prend, on m'enferme. Si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou maintenant. Il y a des flics partout. Il y a des gens partout. Je suis déjà enfermé au milieu de ces gens. Ne les regardez pas, ne regardez personne. Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de vous dénoncer, imbécile ? Je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ces connards me dégoûtent. Vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas, là, maintenant, dans leur tête. Parce qu'ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Ils ont envie de tuer, ça se voit à leur visage, ça se voit à leur démarche. Je vois leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout. Il faut se tenir tranquille sans bouger. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on les regarde dans les yeux, s'ils s'aperçoivent qu'on les regarde, s'ils se mettent à nous regarder et à nous voir, le signal se déclenche dans leur tête et ils tuent. Ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n'attend que le signal dans la tête. Arrêtez, ne recommencez pas une crise de nerfs. Je vais acheter les deux billets. Mais calmez-vous, on va se faire repérer. Pourquoi l'avez-vous tué ? Qui ça ? Mon fils, imbécile. Ah, parce que c'était un petit morveux. Qui vous a dit cela ? Vous ? Vous avez dit que c'était un petit morveux ? Vous avez dit qu'il vous prenait pour une idiote. Et si j'aimais, moi, être prise pour une idiote ? Et si j'aimais les petits morveux ? Et si j'aimais les petits morveux plus que tout au monde ? Plus que les grands cons ? Si je détestais tout, sauf les petits morveux ? Il fallait le dire. Je l'ai dit, imbécile. Je l'ai dit. il ne fallait pas me refuser les clés. Il ne fallait pas m'humilier. Je ne voulais pas le tuer, mais tout s'est enchaîné tout seul à cause de cette histoire de Porsche. Menteur, rien ne s'est enchaîné. Tout a été de travers. C'était moi que vous teniez dans, avec votre arme. Pourquoi est-ce lui dont vous avez fait exploser la tête avec du sang partout? Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout, elle aussi. Mais je l'aurais pas vu, imbécile. Je l'aurais pas vu. Mon sang à moi, je m'en fous. Il ne m'appartient pas. Tandis que celui de mon fils, c'est moi qui le lui fichu dans ses fichues veines. C'est mon affaire. C'était à moi. On n'a pas à répondre mes affaires n'importe comment dans un jardin public, au pied d'une bande d'imbéciles. Je n'ai plus rien à moi maintenant. N'importe qui marche dans la seule chose qui m'appartenait. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Qu'est-ce qui me reste? Je pars. Je pars avec vous. Ne bougez pas. Vous n'avez même pas de quoi prendre un train. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de vous le donner. Vous ne laissez à personne le temps de vous aider. Vous êtes comme un couteau à cran d'arrêt que vous refermez de temps en temps et que vous rangez dans votre poche. Je n'ai pas besoin que l'on m'aide. Tout le monde a besoin qu'on l'aide. Ne commencez pas à pleurer. Vous avez la tête d'une femme qui va se mettre à pleurer. Je déteste ça. Vous m'avez dit que vous aimiez les femmes, toutes les femmes, même moi. Sauf quand elles font la tête des femmes qui vont se mettre à pleurer. Je vous jure que je ne pleurerai pas. Elle pleure. Zuko s'éloigne. Et votre nom, imbécile, êtes-vous même capable de me le dire maintenant? Mais qui s'en souviendra pour vous? Vous l'avez déjà oublié, j'en suis sûre. Je suis seule maintenant à m'en souvenir. Vous allez partir sans votre mémoire. Zuko sort. La dame reste assise et regarde les trains. Scène 13. Ophélie. Même lieu. La nuit. La gare est déserte. On entend la pluie tomber. Entre la sœur. Où est ma colombe? Dans quelle saleté l'a-t-on entraînée? Dans quelle cage infâme l'a-t-on enfermée? De quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée? Je veux te retrouver, ma tourterelle. Je te chercherai jusqu'à en mourir. Le mâle est l'animal le plus répugnant parmi les animaux répugnants que la terre porte. Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Des rats dans les égouts, des cochons dans la vase, une odeur d'étang où pourrissent des cadavres. Le mâle est sale. Les hommes ne se lavent pas. Ils laissent la saleté et les liquides répugnants de leurs sécrétions s'accumuler sur eux et ils n'y touchent pas. Comme si c'était un bien précieux. Les hommes ne se sentent pas entre eux parce qu'ils ont tous la même odeur. C'est pour cela qu'ils se fréquentent tout le temps et qu'ils fréquentent des putains, car les putains, pour de l'argent, souffrent cette odeur. Je l'ai tant lavée, cette petite, tant baignée avant le dîner et baignée le matin, frottée le dos et les mains à la brosse et brossée le dessous des ongles. Laver tous les jours les cheveux, couper les ongles, laver tout entière tous les jours à l'eau chaude et au savon. Je l'ai gardée blanche comme une colombe. J'ai lissé ses plumes comme une tourterelle. Je l'ai protégée et gardée dans une cage toujours propre pour qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde, de la saleté des mâles, qu'elle ne se laisse pas empester par la peste de l'odeur des mâles. Et c'est son frère, ce rat parmi les rats, ce cochon puant, ce mâle corrompu qui l'a sali et traîné dans la boue, et tiré par les cheveux jusqu'à son fumier. J'aurais dû le tuer. J'aurais dû l'empoisonner. J'aurais dû l'empêcher de tourner autour de la cage de mon amour. J'aurais dû mettre des barbelés autour de la cage de mon amour. J'aurais dû écraser ce rat avec le pied et le brûler dans le poêle. Tout est sale ici. Qu'il pleuve encore. Que la pluie lave un peu ma petite tourterelle sur le fumier où elle se trouve. Scène 14. L'arrestation. Le quartier du Petit Chicago. Deux policiers, des putes, et parmi elles, la gamine. Tu as vu quelqu'un ? Personne, non. C'est idiot. Notre travail est idiot. Rester planté là comme des panneaux de stationnement, autant retourner à la circulation. C'est normal. C'est ici qu'il a tué l'inspecteur. Justement. C'est le seul endroit où il ne reviendra pas. Un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Il reviendrait ici ? Pourquoi voudrais-tu qu'il revienne ? Il n'a rien laissé, pas un bagage, rien. Il n'est pas fou. Nous sommes deux panneaux de stationnement complètement inutiles. Il reviendra. Pendant ce temps, on pourrait boire un verre avec la patronne de l'hôtel et discuter le coup avec les demoiselles et se promener ailleurs, parmi tous ces gens calmes, tranquilles. Le Petit Chicago est le quartier le plus tranquille de la ville. Il y a un feu sous les cendres. Un feu ? Quel feu ? Où vois-tu du feu, toi ? Même les demoiselles sont calmes et tranquilles comme des épicières. Les clients se promènent comme dans un jardin public et les macs font le tour du propriétaire comme des libraires qui vérifient si tous les livres sont sur les rayonnages et si l'on n'en a pas volé un. Où vois-tu du feu, toi ? Ce type ne reviendra pas ici, je le parie avec toi. Je parie un verre chez la patronne. Il est bien revenu chez lui après avoir tué son père. C'est qu'il avait à y faire. Et qu'est-ce qu'il avait à y faire ? Tuer sa mère. Une fois qu'il l'a fait, il n'est plus revenu. Et comme ici, il n'y a plus d'inspecteur à tuer, il ne reviendra pas. Je me sens comme un idiot. Je sens qu'il me pousse des racines et des feuilles sur les bras et les jambes. Je sens que je m'enfonce dans le béton. Filons boire un coup chez la patronne. Tout est calme. Tout le monde se promène tranquillement. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'un tueur, toi ? Un tueur n'a jamais l'air d'un tueur. Un tueur part se promener tranquillement au milieu de tous les autres, comme toi et moi. Il faudrait qu'il soit fou. Un tueur est fou, par définition. Pas sûr, pas sûr. Il y a des fois où j'ai presque envie de tuer, moi aussi. Eh bien, il y a des fois où tu dois être presque fou. Peut-être bien, peut-être bien. J'en suis sûr. Entre Zuko. Mais jamais, même si j'étais fou, même si j'étais un tueur, jamais je ne me promènerais tranquillement sur les lieux de mon crime. Regarde ce type. Lequel ? Celui qui se promène tranquillement, là. Tout le monde se promène tranquillement ici. Le Petit Chicago est devenu un jardin public où même les enfants pourraient jouer à la balle. Celui qui est habillé avec un treillis militaire. Oui, je le vois. Il ne te rappelle personne ? Peut-être bien, peut-être bien. On dirait que c'est lui. Impossible. Roberto ! Elle se précipite sur lui et l'embrasse. C'est lui. Cela ne fait plus aucun doute. Je t'ai cherché, Roberto. Je t'ai cherché. Je t'ai trahi. J'ai pleuré, pleuré, au point que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer. Et les dernières vagues sont en train de me noyer. J'ai souffert tellement que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder des volcans. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux surveiller chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ta poitrine. L'oreille collée contre toi, j'entendrai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tous tes secrets. Je serai ta valise à secrets. Je serai le sac où tu rangeras tes mystères. Je veillerai sur tes armes. Je les protégerai de la rouille. Tu seras mon agent et mon secret. Et moi, dans tes voyages, je serai ton bagage, ton porteur et ton amour. Qui êtes-vous ? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Les policiers l'embarquent. Scène 15. Zuko au soleil. Le sommet des toits de la prison, à midi. On ne voit personne pendant toute la scène, sauf Zuko quand il grimpe au sommet du toit. Voix de gardiens et de prisonniers mêlés. Roberto Zuko s'est échappé. Encore une fois. Mais qui le gardait ? Qui en avait la charge ? On a l'air de cons. Vous avez l'air de cons, oui. Silence ! Il a des complices. Non. C'est parce qu'il n'a pas de complices qu'il parvient toujours à s'échapper. Tout seul. Tout seul. Comme les héros. Il faut chercher dans les recoins de couloirs. Il doit être planqué quelque part. Il doit être recroquevillé dans un cagibi et il tremble. Pourtant, ce n'est pas vous qui le faites trembler. Zuko n'est pas en train de trembler, mais de se foutre de votre gueule. Zuko se fout de la gueule de tout le monde. Il n'ira pas loin. C'est une prison moderne. On ne peut pas s'en échapper. C'est impossible. Strictement impossible. Zuko est fichu. Zuko est peut-être fichu, mais pour l'instant, il est en train de grimper sur le toit et de se foutre de votre gueule. Zuko, torse et pieds nus, arrive au sommet du toit. Que faites-vous là ? Descendez immédiatement. Zuko, vous êtes fichu. Zuko, Zuko, dis-nous comment tu fais pour ne pas rester une heure en prison ? Comment tu fais ? Par où as-tu filé ? Donne-nous la filière. Par le haut ? Il ne faut pas chercher à traverser les murs parce que, au-delà des murs, il y a d'autres murs. Il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits, vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Et les gardiens ? Les gardiens n'existent pas. Il suffit de ne pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre 5 dans une seule main et les écraser d'un coup. D'où te vient ta force, Zuko ? D'où te vient ta force ? Quand j'avance, je fonce. Je ne vois pas les obstacles. Et comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort, je suis un rhinocéros. Mais ton père et ta mère, Zuko, il ne faut pas toucher à ses parents. Il est normal de tuer ses parents. Mais un enfant, Zuko, on ne tue pas un enfant. On tue ses ennemis. On tue des gens capables de se défendre. Mais pas un enfant. Je n'ai pas d'ennemis. Et je n'attaque pas. J'écrase les autres animaux, non pas par méchanceté, mais parce que je ne les ai pas vus et que j'ai posé le pied dessus. Tu as de l'argent ? De l'argent planqué quelque part ? Je n'ai pas d'argent, nulle part. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu es un héros, Zuko. C'est Goliath. C'est Samson. Qui est Samson ? Un truand marseillais. Je l'ai connu en prison. Une vraie bête. Il pouvait casser la gueule à 10 personnes à la fois. Menteur. Rien qu'avec ses poings. Non, avec une mâchoire d'âne. Et il n'était pas de Marseille. Il s'est fait baiser par une femme. Dalila. Une histoire de cheveux, je connais. Il y a toujours une femme pour trahir. On serait tous en liberté sans les femmes. Le soleil monte, brillant, extraordinairement lumineux. Un grand vent se lève. Regardez le soleil. Un silence complet s'établit dans la cour. Vous ne voyez rien? Vous ne voyez pas comme il bouge d'un côté à l'autre? On ne voit rien. Le soleil nous fait mal aux yeux. Il nous éblouit. Mais regardez ce qui sort du soleil. C'est le sexe du soleil. C'est de là que vient le vent. Le quoi? Le soleil a un sexe? Vos gueules. Bougez la tête, vous le verrez bouger avec vous. Qu'est-ce qui bouge? Je vois rien bouger, moi. Comment voudrais-tu que quelque chose bouge là-haut? Tout y est fixé, depuis l'éternité, et bien cloué, bien boulonné. C'est la source des vents. On ne voit plus rien. Il y a trop de lumière. Tournez votre visage vers l'Orient, et il s'y déplacera. Et si vous tournez votre visage vers l'Occident, il vous suivra. Un vent d'ouragan se lève. Zuko vacille. Il est fou. Il va tomber. Arrête, Zuko, tu vas te casser la gueule. Il est fou. Il va tomber. Le soleil monte, devient aveuglant comme l'éclat d'une bombe atomique. On ne voit plus rien. Il tombe. France Culture et le Théâtre de la Ville vous ont présenté Roberto Zuko de Bernard-Marie Coltès, enregistré en public le vendredi 30 octobre 2009 au Théâtre de la Ville à Paris. Lecture dirigée et réalisée pour la radio par Georges Lavaudan avec la complicité de Blandine Masson, une coproduction Théâtre de la Ville France Culture. Avec Éric Elmosnino, Roberto Zuko, Sarah Forestier, la gamine. Marie-Lou Marini, la mère de Zuko et la patronne. Astrid Ba, la sœur de la gamine. Pascal Rénéric, le frère de la gamine. Alain Rimoux, le père. Dany Cogan, la mère. Nicole Garcia, la dame élégante. Roland Bertin, le vieux monsieur. André Marcon, le deuxième gardien, le Mac, l'inspecteur mélancolique. Irina Dahl, la pute affolée. Marc Bodnard, le balèze, le commissaire. Babacar Fall, un inspecteur, le deuxième policier. Frédéric Bory, le premier policier, le premier gardien. Manuel Lelièvre, l'enfant. Les bruitages étaient réalisés en public par Sophie Bissens. Les didascalies étaient lues par Georges Lavaudan. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Émilie Côte. Sonorisation de la salle, Alexandre Martin, Benjamin Thuan. Assistant pour France Culture, Emmanuel Vignet. Assistant de Georges Lavaudan, Jean-Romain Vesperini. Réalisateur stagiaire pour France Culture, François Christophe. Remerciements à Emmanuel de Marcimota, directeur du Théâtre de la Ville, et à toutes ses équipes, les équipes techniques, les équipes de communication. Roberto Zuko de Bernard-Marie Coltès est publié aux éditions de Minuit. Merci à François Coltès. Thank you. j'ai le sentiment très fort... Bernard-Marie Coltès. Que la vie se passe vie d'un côté, et elle s'écrit à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les choses, que les expériences que je vis, et les gens que je côtoie, à partir du moment où je les écris, je les mets à mort, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs le seul problème que je me pose en tant qu'écrivain, c'est que quand je vis des expériences et quand je rencontre des gens, je sais que un jour ou l'autre, ils vont me servir de pâture. De pâture, oui. Enfin, je vais m'en servir pour les écrire, si je peux dire, et qu'à partir de ce moment-là, je ferai une œuvre de mort vis-à-vis de cette expérience vécue et vis-à-vis de ces gens que j'ai rencontrés. Non pas que j'éprouve un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça, mais disons que j'éprouve une certaine difficulté à doser l'existence d'une part et à lui garder son indépendance par rapport à l'écriture et d'un autre côté à continuer à écrire. Et je sens des deux côtés, à la fois du côté de l'existence et à la fois du côté de l'écriture, une attirance pour vivre l'un et l'autre d'une manière entière, et je sais très bien que c'est pas possible. Non pas que je considère le fait d'écrire et l'écriture théâtrale comme quelque chose de pas respectable, c'est pas le problème. C'est que je me dis qu'elle est complètement stérile, complètement morte. C'est même sa force, enfin. Ce que j'appelle la vie, c'est quelque chose, enfin, pour, en ce qui me concerne, c'est ce qui est producteur, en fait, de quelque chose. Les émotions que je ressens au théâtre, au cinéma, ne m'ont jamais fait écrire quelque chose. Et j'ai l'impression d'émotions intéressantes, comme d'autres, mais complètement stériles. C'est-à-dire qu'elles sont à la fin de quelque chose. Les émotions qu'on éprouve au cours d'une existence, des émotions qui ne sont pas encore transposées d'une manière esthétique, sont, elles, à l'origine des choses, à l'origine de la production, à l'origine du fait d'écrire. Et c'est en ce sens que, pour moi, c'est un peu une œuvre de mort, dans la mesure où j'ai le sentiment d'user d'une émotion positive et de m'en servir et de la mener à son terme, de l'esthétiser en quelque sorte, et de la terminer là, de l'arrêter. Thank you. Thank you.